Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, je vous emmène à Mône, dans un lieu plein de charme, la maison LW. Boutique chaleureuse tenue par Didier Sorgnard qui m'accueille ici même au cœur du bourg. Bonjour Didier. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est là pour parler d'un événement festif que tu prépares activement, c'est la fête de la musique qui aura lieu évidemment le 21 juin. Donc ici à Mône, qu'est-ce qui t'a donné envie, Didier, de te relancer même dans cette fête de la musique ? Alors déjà l'année dernière, on avait organisé la fête de la musique donc le 20 juin le soir, c'était très très sympa, il y avait une très bonne ambiance conviviale de village avec différents groupes. Cette année, on s'est dit qu'on allait peut-être changer un peu le concept, en plus, étant donné qu'on a un petit village et qu'on le fait le 21 juin, il y a des concerts un peu partout, beaucoup d'activités seront proposées. Donc on s'est dit, tiens, on va proposer quelque chose en journée, en mode 10h-22h, avec un objectif, c'est d'avoir sur la place de l'église un endroit sympa, avec des barnums, des grandes tables, ambiance, musique et village, mais en mode plus découverte des vins du monde, où on pourra manger, et avec un fond musical, avec quelques super playlists qu'on a concoctées, avec tous les vieux lives de Bowie, de Led Zepp, de Jimi Hendrix, des Cure, de Radiohead. Et voilà, le but c'est de passer un moment sympa le samedi midi en mode apéritif, ou le samedi en fin de journée, en famille ou entre amis. On sent que ça part d'une vraie envie de faire bouger le village, de créer du lien. C'est quelque chose qui est important pour toi, ce genre de rendez-vous collectif ? Oui, forcément, parce que quand on habite dans un petit village, c'est toujours un lieu où on peut se rencontrer, que ça soit à l'épicerie, au bar ou dans d'autres lieux, dans d'autres assos. Et c'est vrai que quand on a l'occasion d'organiser un petit événement, c'est toujours quelque chose de sympa à faire. C'est du boulot, mais voilà, la fête de la musique, c'est quand même l'occasion parfaite pour mettre en place un événement. Il n'y a pas que pour cette fête de la musique que tu as investi dans la vie locale. Non, en effet, sur le village de Mône, il y a un paquet de bénévoles très très actifs depuis des années qui font énormément de choses, que ce soit au comité des fêtes ou à la mairie. Et à noter dans vos agendas dès maintenant, le 12, 13, 14 septembre prochain, c'est la 6e édition de Mône, en fait, le village imité d'art. Donc vous retrouverez bien sûr, comme dans les éditions précédentes, des concerts, des artisans, des démonstrations, pendant 3 jours. Et le vendredi, bien sûr, tous les centres de formation de la région centre liés à l'artisanat, où vous pouvez découvrir donc les formations liées au métier que vous irez directement sur place. Donc c'est vraiment une date à ne pas rater, à bien noter dès maintenant. Et quel rôle tu joues là-dedans ? Comme plein de bénévoles, on est souvent multitâches, c'est-à-dire qu'on fait un peu de tout, que ce soit de la mise en place, du bricolage, de la communication, Les tâches sont multiples et variées comme dans tous les milieux associatifs. Alors tu t'investis dans l'organisation de cette fête de la musique et t'es pas tout seul, évidemment ton entourage, mais tu es avant tout commerçant à Mône, tu peux nous rappeler ce qu'est la maison LW ? Alors oui, je suis commerçant, en fait on a plusieurs casquettes avec Maison LW, puisque avant tout Maison LW c'est une distillerie, donc c'est en fait de l'artisanat de distillerie, où il y a 2 marques de spiritueux qui sont en développement depuis 1 an. Il y a aussi un petit négoce de vin, donc entre la Bourgogne et la Loire, où on développe une gamme de vins chez des amis producteurs ensemble. Et puisqu'on a donc cet espace boutique en centre-bourg, on a décidé de faire un espace, on va dire, caviste, mais avec des vins, des spiritueux des 4 coins du monde. Quand je dis 4 coins du monde, c'est Liban, Uruguay, Pérou, Chili, Inde, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Taïwan, Japon. Voilà, l'objectif, c'est de faire un endroit un petit peu atypique. Dans le côté atypique, on a aussi un petit coin, aussi des cadeaux, déco, avec des luminaires, des planches de skate, plein de petites choses sympas pour se faire plaisir ou pour faire plaisir. Donc ce 21 juin, ce sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir la boutique ? Oui, bien sûr, vous pourrez voir la boutique, voir notre petit alambic très sympa qui fait 100 litres, un petit alambic à colonne. Et voilà, ça sera l'occasion aussi, si vous voulez poser quelques questions sur le monde de la distillation, des spiritueux, ça sera avec grand plaisir. Alors tu as évoqué des choses à boire et à manger, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le menu ? Alors pendant la journée, on a prévu déjà, forcément au niveau dégustation, vous aurez accès à toute la gamme de vins des 4 coins du monde, Liban, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, plein de choses très très sympas. Et puis au niveau restauration, on va travailler avec les bocaux du Bocage. C'est une entreprise française qui fait des petits bocaux très sympas. Vous avez par exemple un bœuf bourguignon, une blanquette de poulet, une brandade de morue, que des petits plats sympas. Parfait. Eh bien, merci Didier pour ton accueil ici à la maison LW et pour ton engagement dans la vie locale. La fête de la musique à Mône, c'est vendredi 21 juin dans le bourg, avec toute la musique qu'on aime, de la bonne humeur et ce petit supplément d'âme qu'on aime tant par ici. Toutes les infos sont à retrouver sur les réseaux sociaux de la maison LW, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, sur la page Facebook Maison LW. Et si on devait se quitter en musique, Didier ? qu'est-ce que tu choisirais pour nos auditeurs, pour nous mettre en bouche ? Ah bah alors forcément un live, mais je sais pas, un vieux live de David Bowie ou de Led Zeppelin, ça peut être sympa, avec Page, Plant, John Bonham, John Paul John, ça peut être très bien aussi. Eh bah ben ça tombe bien parce qu'on aime bien ce Radioactive. Merci encore Didier de ton accueil. Merci beaucoup, au plaisir. Merci beaucoup, c'est la fin de ce mag, on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition. Thank you.